Les gouvernants sud-coréens qui ont décidé d'introduire SAD dans le pays ont reçu le 15 les corrections lors de leur tournée à l'arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord, en droit de disposition de SAD. Ce matin-là, le Premier ministre et le ministre de la Défense qui s'étaient rendus à la sous-préfecture de Songju pour une séance d'explication destinée à calmer l'opinion publique s'opposant à la disposition du missile tristement célèbre ont été accueillis par les œufs et les gourdes et encerclés pendant 6h30 par les habitants avant de s'en échapper précipitamment à bord d'un hélicoptère à destination de Séoul.